L'heure du loup. Le meilleur des musiques sombres sur Osmose Radio. Bonsoir à tous mes petits loups, soyez les bienvenus sur Osmose Radio, il est 18h passé de quelques poignées de minutes, vous êtes bien dans l'heure du loup, votre playlist rock et new wave comme tous les mardis soirs. Et on commençait avec ce titre du groupe Two Witches, le titre Nightmare, ouais des cauchemars je vais vous en donner moi ce soir, puisqu'on est mardi 30 avril et cette nuit c'est la nuit de Valpurgis, la fête des sorcières. Et donc les sorcières, les shabbats, les envoûtements, tout ça ce sera un petit peu le thème de l'émission ce soir. Et on ouvrait justement avec ce groupe finlandais Two Witches et les cauchemars qu'ils vous donnaient en tout cas en musique à l'instant. Enfin, cauchemars peut-être pas poussés non plus, mais moi je vais vous en donner mes petits loups avec notamment les histoires de chasse aux sorcières, hein, de démembrement, de sorcières sur le bûcher, tout ça. Mon gentil technicien Loïc commence déjà à flipper et vous, chers amis, je vous propose de continuer avec le groupe The Mob et le titre Witch Hunt. The Witch Hunt par le groupe The Mob. Ben ouais, les chasses aux sorcières, ça a été des événements tristement célèbres de l'histoire, non seulement de France, mais de bien de pays d'Occident, voire même au-delà. Et d'ailleurs, c'est aussi une expression qui est passée dans le langage courant pour désigner notamment la répression, par exemple, comme celle dont font l'objet certains de nos compatriotes avec un gilet bizarre sur le dos en ce moment. Hein. Je dis ça, je dis rien. Enfin bref, chers amis, soyez les bienvenus sur Osmose Radio. Vous êtes dans l'heure du loup et aujourd'hui le thème ce soir dans l'émission c'est les sorcières puisque ce mardi 30 avril et bien ce soir c'est la nuit de Valpurgis. Alors d'où ça vient ce terme Valpurgis, c'est quoi cette histoire? Eh bien c'est peut-être, ça vous rappellera peut-être des souvenirs de lecture Valpurgis puisque notamment Bram Stoker en parle dans une de ses nouvelles La nuit des sorcières et c'est aussi comme ça qu'on appelle la fête, les fêtes des sorcières notamment bah, dans tous les pays de culture germanique. Je pense notamment au cœur de l'Allemagne dans la région du Brocken. Dans la région du Harz, notamment avec la montagne du Brocken, dont parle Goethe, dans son bouquin Faust, qui justement a fait commerce avec Méphistophélès, et aussi parle de temps en temps des sorcières qui font des shabbats durant cette nuit particulière, qui correspond un peu aussi à la fête de Beltane, l'ancienne fête celtique. Vous savez qu'il y avait deux fêtes principales dans le calendrier celtique, il y en avait plus, mais les deux principales, c'était l'ouverture de la saison sombre avec Shamayne, qui correspond à Halloween, fin octobre, et l'ouverture de la saison de la lumière avec Beltane qui, à la fin du mois d'avril, ouvrait donc la saison des beaux jours. Et bien, peu ou prou, ces deux traditions celtiques et germaniques se rencontrent dans ce moment un petit peu singulier que, sur lequel l'Église a essayé de repeindre un petit vernis chrétien avec les fêtes de Pâques et différentes célébrations. Mais bon, ils n'ont jamais réussi à faire disparaître les anciennes coutumes du paganisme qui préexistaient à la christianisation des pays d'Occident. Donc du coup, je vais essayer de ne pas en faire des tonnes, mais c'était important de faire ce rappel. La nuit de Valpurgis, la fête des sorcières. Et les sorcières, c'est un thème récurrent dans les styles que j'aime bien dans l'heure du loup, à savoir le rock, la new wave, le rock gothique, le metal, tout ça. Et donc, on va écouter une playlist orientée dans ce sens-là ce soir, chers amis. Eh bien, notamment, les sorcières, on n'en a pas eu qu'en Occident, qu'en Europe. On en a eu au-delà, notamment outre-Atlantique, avec les sorcières de Salem, dont vous avez forcément entendu parler. Une histoire de sorcières qui avait défié la chronique lors de la fin du XVIIe siècle. Voilà, dans les colonies britanniques de l'époque, les colonies qui ont donné plus tard les États-Unis. Et où donc le puritanisme était au point qu'on voyait des sorcières un petit peu partout. Tous ces pétochards de Wasp, donc, ont brûlé certaines de leurs congénères à ce moment-là. Et du coup, ça a inspiré Rob Zombie dans le titre qu'on va écouter tout de suite, American Witch. American, the end of Oh, Hit it, sisters. Zoinks! It's the witches! Easy, guys. It's just the Hex Girls. I'm gonna cast a spell on you. You're gonna do what I want you to. Mix it up here in my little bowl. Say a few words and you lose control. I'm a Hex Girl and I'm gonna put a spell on you. I'm gonna put a spell on you. I'm a Hex Girl and I'm gonna put a spell on you. Put a spell on you. You'll feel the fog as I cloud your mind. You'll get dizzy when I make the sign. Up in the dead of night, missing me when I'm out of sight. I'm a Hex Girl, and I'm gonna put a spell on you. I'm gonna put a spell on you. I'm a Hex Girl, and I'm gonna put a spell on you. Oh yeah. With this little cobweb potion, you'll fall into dark devotion. If à l'instant, c'est The Hex-Girl, un petit intermède de Scooby-Doo, hein, puisque toutes les sorcières ne sont pas aussi flippantes que celles qu'on s'imagine dans les contes, etc. Hein, parfois, c'est aussi des jolies rencontres que font Sammy et Scooby-Doo quand ils se promènent dans les bois, comme on a pu l'entendre à l'instant. Et juste avant ça, c'était deux morceaux enchaînés. Tout d'abord, Rob Zombie, avec le titre American Witch, et juste après, le groupe gothique The 69 Eyes, le mauvais œil, hein, ça rejoint un petit peu les thèmes ce soir. The 69 Eyes, avec le titre Suspiria Snow White, hein, donc Blanche-Neige d'un côté, Suspiria. Vous savez, cette sorcière maléfique, hein, sorcière maléfique, joli pléonasme, qu'il y a eu dans ce film de Dario Argento des années 70 et qui a fait l'objet d'un remake il y a quelques mois, qui était sorti fin 2018. Voilà. Donc, ça associait un petit peu ces figures féminines, ces grandes figures féminines qui nous viennent des contes de fées. Contes de fées, d'ailleurs, qui viennent souvent de l'époque moderne, des 17e siècle, 18e siècle, dans ces eaux-là. Et la sorcière, bah, c'est un petit peu le thème ce soir, vous disais-je, et quelque chose que certains d'entre vous savaient déjà, mais une idée reçue qu'il convient de remettre en question régulièrement, c'est que les sorcières, elles n'ont pas tant été persécutées au Moyen-Âge, contrairement à l'idée qu'on s'en fait, qu'à l'époque moderne. C'est surtout à partir du XVIe siècle qu'on a commencé à brûler des sorcières, ce qui ne signifie pas qu'on a brûlé des femmes un peu marginales durant les périodes médiévales, bien entendu. Néanmoins, il semble qu'au Moyen-Âge, on avait d'autres chats à fouetter, si j'ose dire, parce qu'on avait des hérétiques à brûler hein, dans les pays cathares, on avait des juifs à persécuter dès qu'il y avait une peste quelque part. On avait les musulmans à chasser d'Espagne ou d'ailleurs. Et du coup, bah, tout ça, c'était assez de boulot pour qu'on ait autre chose à foutre que brûler des sorcières durant les grandes périodes qu'on s'imagine, donc le XIIIe siècle, tout ça. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas arrivé, mais c'était tellement marginal, tellement exceptionnel. Et par contre, à partir du XVIe siècle, là, alors qu'on arrivait dans des époques, l'humanisme, la Renaissance, dans des époques a priori plus éclairées, et que les contemporains considérés comme tels, parce que pour eux, ils appelaient ces périodes-là l'époque moderne, les historiens, pour dire que, pour faire contraste avec l'obscurantisme supposé du Moyen-Âge. Aujourd'hui, on sait que c'est des conneries, mais on reste dans ces vieux clichés, et du coup, on s'imagine que les sorcières ont été brûlées au Moyen-Âge. C'est loin d'être le cas, comme je vous en parlais tout à l'heure, avec les sorcières de Salem qui ont été brûlées dans les années 1690, si ma mémoire est bonne. Voilà. Et du coup, c'était aussi c'est ce qui a inspiré Rob Zombie dans American Witch, j'imagine. Et bon, malgré tout, on a le folklore de la sorcière avec le chapeau pointu, tout ça, qui fait des sabbats, hein, où elle invoque le démon et elle danse avec le diable, etc. Et elles font des choses pas très catholiques. Bien entendu, vous savez, on a tous cet imaginaire-là qui nous vient en partie des contes, des mythes et légendes notamment. Eh bien justement, le sabbat, une fête juive qui a été associée à la fête des sorcières. Et donc du coup, vous pensez bien que cette association de termes n'est pas innocente et que tout ça, ça réveille un petit peu des souvenirs sulfureux. Je vous disais qu'au Moyen-Âge, quand il y avait des pestes quelque part, ben, on accusait les juifs, qui étaient une communauté marginale. Et du coup, ben, on les brûlait ou on les persécutait ou on les mettait à mort de diverses manières et variées. Hein. Et ben, du coup, ce sont des choses qu'on a retrouvées à l'époque moderne, où les juifs étaient un petit peu moins persécutés, mais où les sorcières bah, prenaient leur place sur l'échafaud ou sur le bûcher. Et notamment, bah, parmi tous les attributs des sorcières, il y a le chapeau pointu. Et bien, CQFD, le chapeau pointu, c'est ce que portaient les juifs quand ils sortaient de leur ghetto au Moyen-Âge. Voilà, donc vous voyez, les symboles et les termes se recoupent dans ce genre de vocabulaire bien pensant, on dirait aujourd'hui, de ce vocabulaire bien précis qui consiste à stigmatiser certaines communautés. Voilà, je ne vais pas en faire des tartines, rassurez-vous, hein, ce soir, mais néanmoins, je tenais quand même à apporter quelques éclaircissements sur nos propres préjugés, y compris les miens d'ailleurs. Et si le sabbat est un terme un peu sulfureux, eh bien, je suis pas le dernier à écouter des morceaux qui parlent de sabbat, bien entendu, notamment le fameux groupe fondateur du heavy metal, Black Sabbath, dont on va écouter un morceau tout de suite, Sabbath, Bloody Sabbath. Yeah. Êtes-vous prêts à jouer, bande de pourceaux? Mon heure est venue. Et l'heure de la sorcellerie a sonné. Je suis Anne de Chantraine. Et je l'aime chaud. Je l'aime chauffé à blanc. Et vous? Vous allez jouer avec le feu. Retenez bien ça. Mea culpa, Anne. Repentez-vous et répétez. Mea culpa, Anne. Bande de porcs. Il est temps de commencer les vocalises, mes cochons. Que mon heure commence. À l'instant, on vient d'écouter Christine Plays Viola avec le titre Witch of Silence. C'était enchaîné juste avant avec le groupe Black Sabbath et le fameux titre Sabbath, Bloody Sabbath. Sous-entendu, ben, on verse du sang durant ces cérémonies bizarres. Ça n'engage que vous, hein. Vous faites ce que vous voulez ce soir. Et entre les deux, ben, il y aura eu un petit intermède qui aura sans doute réveillé quelques souvenirs dans ceux qui ont été gamins, parmi ceux qui ont été gamins dans les années 90, puisque c'était un intermède du jeu Atmosphère avec la sorcière Anne de Chantraine, qui vous apostrophait pendant la partie quand vous mettiez la cassette VHS à l'époque dans le magnétoscope pendant que vous faisiez le jeu sur le plateau. Voilà, donc Anne de Chantraine qui un petit, d'une certaine manière un petit peu suscité ou corroboré le fameux mythe de Circé dans l'Odyssée d'Ulysse qui transformait les hommes en pourceaux, hein, puisqu'elle nous apostrophe ainsi à plusieurs reprises. Voilà, donc c'était un petit clin d'œil évidemment. évidemment à cette récupération, en l'occurrence commerciale, du mythe de la sorcière et de tous les préjugés qu'on lui colle dessus, parfois avec humour. Après tout, voilà, chers amis, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Vous êtes bien dans l'heure du loup avec Stéphane, vous êtes bien sur Osmose Radio, on est ensemble pour encore une petite demi-heure de rock et de new wave, ce soir autour du thème des sorcières, puisque ce mardi 30 avril, eh bien, c'est la nuit de Valpurgis, hein, la fête des sorcières, et du coup, on continue sur le thème. Alors, puisqu'on écoutait à l'instant le titre Witch of Silence, eh bien, justement, comme je vous le disais tout à l'heure, les procès en sorcellerie tels qu'ils ont existé à partir du XVIe siècle, ça a été aussi une manière de, comment dirais-je, de mettre les femmes au pas et de les réduire au silence. Je m'explique. Au 15e siècle, on a eu un bouquin qui avait fait un petit succès à l'époque. C'était le Maleus Maleficarum, le marteau des sorcières en traduction. C'est un bouquin qui a tout d'abord été approuvé par l'Église catholique avant d'être interdit et mis à l'index. Mais en attendant, il avait servi avec l'imprimerie de Gutenberg, hein, qui avait permis de faire circuler les idées à l'époque. Et bien du coup, le Maleus Maleficarum s'était répandu partout en Europe et en Occident en général, puisqu'il était aussi aux États-Unis, dont je vous parlais tout à l'heure. Et du coup, ce bouquin, ça a été un peu un mode d'emploi pour persécuter les sorcières, en tout cas celles qu'on considérait comme telles. Et mais c'était quoi les sorcières, au fait? Les sorcières, ça existe depuis bien longtemps. Je vous parlais de Circé à l'instant, qui a transformé les compagnons d'Ulysse en porcs. Eh bien, les sorcières, en fait, c'était souvent ce qu'on considérait comme des chamans encore aujourd'hui dans les sociétés asiatiques ou amérindiennes. Elles étaient à la fois, ou les griots en Afrique noire par exemple, elles étaient à la fois, elles faisaient un peu de la nécromancie, elles permettaient de dialoguer avec le monde des morts, mais en même temps elles étaient herboristes puisqu'elles aidaient à soigner les maladies dont étaient affligés leurs collègues et les gens des sociétés dans lesquelles elles travaillaient. Et justement, le 15e, 16e siècle, c'est aussi l'époque où la médecine s'institutionnalise et où, avec les progrès de la science qui sont indéniables, eh bien on a des gens avec des chapeaux pointus là aussi qui deviennent une espèce de lobby qui permet d'imposer un petit peu leur point de vue, leur doctrine et leur méthode de soins. Et du coup, ces gars-là n'aiment pas vraiment la concurrence, surtout venant de la part de femmes dont la place c'est à la cuisine ou au pieu, hein, comme vous le savez tous, bien entendu. Et du coup, j'ai peut-être tort d'imprimer mon point de vue moderne et toute proportion gardée féministe à la mentalité des siècles passés. Je ne suis pas sûr du tout que ce soit effectivement légitime. Mais en attendant, je ne peux pas m'empêcher de penser que si on a considéré les femmes qui étaient herboristes, qui allaient toutes seules dans la forêt pour cueillir des plantes et préparer des potions, soit pour empoisonner parce qu'il y avait effectivement de vraies salopes, mais aussi pour soigner les gens tout simplement, eh bien c'était aussi parce que les lobbies de médecins, etc., n'aimaient pas du tout la concurrence. Et ça, c'est des choses qu'on retrouve encore aujourd'hui sur internet avec tous les gens qui combattent, parfois non sans quelques raisons, tout ce qu'on considère comme des fake médecine et qui en fait sont juste souvent des trous du cul qui sont plus attachés à leurs propres préjugés qu'à la vérité scientifique qui fait que, en tout cas la vérité statistique qui fait que quand on soigne les gens, même avec des méthodes pas très orthodoxes, eh bien ils se sentent mieux souvent, même si dans les médecines alternatives il y a énormément de charlatans. Voilà, c'est aussi le cas dans le développement personnel, c'est aussi le cas dans l'économie libérale, l'économie de marché et le capitalisme. Mais là par contre, on s'en offusque pas. Allez comprendre. Toujours est-il que voilà, la chasse aux sorcières, eh bien, ça a poussé pas mal de gens parfois aussi au désespoir. Le désespoir de femmes isolées, de femmes veuves parfois, qui étaient un petit peu en marge des sociétés dans lesquelles elles évoluaient à l'époque ou même encore aujourd'hui. C'est un petit peu le propos de ce titre qu'on va écouter tout de suite, Esben and the Witch, Despair. Thank you. À l'instant, on vient d'écouter S-Ben and the Witch avec le titre Despair. Voilà, donc le désespoir, c'est parfois un peu ce qui atteint les femmes seules dans des sociétés isolées et parfois qu'on a qualifié injustement de sorcières. Et tiens, tout à l'heure, je vous parlais des sorcières dans la littérature, notamment dans le Faust de Goethe, Johannes Wolfgang von Goethe, si ma mémoire est bonne, et qui donc, au début du 19e siècle, avait écrit ce drame dans lequel donc, les sorcières prenaient place. Et bien justement, le Faust a été mis en musique par un garçon, celui-là, un garçon qui était connu notamment dans ses projets musicaux pour s'intéresser au thème de l'alchimie, et avec certains de ses projets, et notamment c'est le cas d'Antoine, qu'on avait déjà reçu d'ailleurs à Usmose Radio à l'époque où il chantait avec Desireless. Antoine, qui est connu dans les projets musicaux Tate notamment, ou Operation of the Sun, et qui se lance dans un autre projet musical qui s'appelle Valfeu, et il a adapté le mythe de Faust en musique justement, toujours en restant dans cette tendance musique électronique, et je vous propose de vous en faire une idée dans ce titre qu'on va écouter tout de suite, Nuit de Sabbat. Thank you. À l'instant, Immortalis Amor avec le titre Invocation. L'invocation, c'est aussi ce que font les sorcières lors des nuits de sabbat. Et nuits de sabbat, c'est justement le morceau qu'on écoutait avant. Un titre de Valfeu, c'est-à-dire Antoine de Operation The Sun. Et aussi l'intervention de VX du groupe Punish Yourself, qui était intervenu notamment dans le morceau qu'on écoutait. Voilà, Nuit de sabbat, un projet musical. Valfeu est un projet musical avec lequel Antoine a adopté le personnage de Faust dans cette adaptation, si j'ose dire, de Goethe. Voilà, chers amis. Donc, tout ça pour vous dire que les sorcières, les sorcières, c'est un petit peu, on y colle beaucoup de clichés et d'idées reçues. Et est-ce à dire que ça existe ou pas? C'est une question de point de vue, puisque les sorcières, en fait, c'est un petit peu un fantasme de personnages qu'on aime détester, que ce soit dans les contes, où le rôle de la sorcière est toujours une femme horrible et méchante, qui tient autant de l'ogresse que de l'empoisonneuse. Et pour autant, aussi, il y a des sorcières. Il ne faudrait pas croire que toutes les sorcières sont aussi maléfiques ou aussi compétentes qu'on veut bien le croire. Par exemple, là, Immortalis Amor, qu'on écoutait à l'instant, c'était un groupe californien, en tout cas qui a sorti ce morceau sur un label californien. Et par contre, j'ai appris un truc assez qui m'a fait rire, mais qui est assez pathétique. C'est qu'aux États-Unis, vous savez, vous avez une grande diversité religieuse, notamment le culte de la Wicca. C'est un retour au néo-paganisme, en quelque sorte, et aux esprits de la nature. Eh bien, il y a une pasteur, donc c'est-à-dire une femme de l'église protestante, qui s'est reconvertie dans le culte de la Wicca et qui s'est autoproclamée sorcière et qui va parmi les ingénieurs et les informaticiens de la Silicon Valley en Californie. Pour quoi donc? Pour exorciser leurs ordinateurs et pour virer tous les virus qui infestent les disques durs de ces messieurs avec de l'encens, avec des incantations, etc. Et je vous jure qu'elle fait ça au premier degré, c'est vrai, et qu'il y a des tas de gens qui l'invoquent. Alors est-ce que c'est des réminiscences de la peur du bug de l'an 2000? J'en sais rien, mais il y a vraiment des nanas, des mecs qui payent cette femme-là pour exorciser leurs ordinateurs. Je vous jure que c'est vrai. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse sur le Facebook de l'heure du loup, facebook.com/l'heure du loup, tout attaché. Et oui, tout attaché comme les femmes sur les bûchers, qu'on brûlait à l'époque. Et du coup, voilà, il y a des tas de zozos comme ça qui sont capables de se faire couillonner par des personnes qui ont le sens du business, y compris le sens du business de l'occultisme, vous l'aurez compris. Et ça, c'est des charlots qu'on retrouve un petit peu partout, notamment aussi dans le milieu du développement personnel. Je pense à tous les représentants en bien-être qui vous ont tous une petite méthode à vous vendre souvent pour que vous vous sentiez mieux, alors qu'en fait, avant de les rencontrer, vous vous sentiez pas spécialement mal. Mais bon, c'est le business du développement personnel, c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, nous, on va se replonger dans des sorcières un petit peu plus formatées selon le fantasme ou le cliché qu'on en a, notamment celle qu'avait mis en scène dans son film Suspiria, le réalisateur Dario Argento. Goblin avait fait la bande originale du film, et on écoute un extrait tout de suite, Black Forest. Thank you. ces quelques notes de musique inquiétante qui faisaient la bande originale composée par Goblin du film Suspiria dans les années 70. À l'instant, c'était un extrait du titre Black Forest. Voilà, chers amis, les sorcières, c'était le thème ce soir, avec notamment ce personnage de Suspiria. Hein, et les sorcières étaient le thème ce soir dans l'heure du loup. C'était à l'occasion de la nuit de Valpurgis qui aura lieu ce soir, donc dès que le soleil sera couché. J'ose pas imaginer ce que feront les plus motivés d'entre vous. Voilà. Et les sorcières, hein, c'était le thème. C'est un thème qui est récurrent dans l'histoire et qui est aussi, y compris l'histoire contemporaine, puisqu'on parlait de chasse aux sorcières dans les années 50, quand on traquait les communistes dans la société bien pensante américaine, n'est-ce pas? Et donc, à mon avis, ouais, voilà, une sorcière, c'est une personne aussi qui est capable de faire preuve de liberté de ton, ce qui est de moins en moins bien vu de nos jours. Hein, et demain, c'est le 1er mai. Les gilets jaunes, dans certaines villes de France, vont prévoir, en tout cas, de défiler avec les syndicats. Et du côté des flics et du pouvoir, ça risque de donner là aussi une belle chasse aux sorcières. Enfin, on en reparlera dans 24 heures si vous voulez. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mes petits loups, si on est encore là. Hein. Et pour conclure cette émission sur le thème toujours des sorcières, eh bien, j'avais pensé à Mendelssohn qui avait lui aussi mis en musique le thème de Faust. Et puis bon, Mendelssohn, c'est chiant. Alors du coup, je me suis rabattu sur un compositeur français, là aussi de musique romantique du 19e siècle, une époque où on a beaucoup aimé la littérature fantastique et donc le thème des sorcières. Eh bien, justement, c'était Camille Saint-Saëns qui avait mis en musique un poème d'un de ses amis où il est justement question d'une nuit de sabbat et de danse macabre. Et justement, hier lundi 29 avril, c'était la journée internationale de la danse. Danse macabre ce soir avec le thème des sorcières. Voilà, on fait d'une pierre deux coups et on va se quitter avec ce morceau de musique étrange avec des accords un petit peu dissonants de violon un peu macabre justement, où vous imaginez des fantômes, des squelettes, des sorcières, voire même le diable en train de festoyer sous la lune. D'ailleurs, c'est peut-être ce que vous ferez vous-même ce soir. Je ne veux pas en savoir plus, je vous souhaite une bonne fin de soirée, chers amis, et on se quitte avec Camille Saint-Saëns, danse macabre. Salut!